Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men itteba'u hudâ, thumma emma ba'd. Donc nous continuons la lecture dans la synthèse des points critiqués au dénommé Yahya ibn Ali al-Hajouri, les points qui sont dans ce qui s'intitule Al-Bayan al-Fawri, épître du Cheikh Arafat al-Muhammadi hafidhahullah. Et donc, le Cheikh Arafat a critiqué 14 fondements dans cette première partie de Al-Bayan al-Fawri. Et nous sommes arrivés au 14e fondement, alors que les deux autres Mashaykh aussi, ils ont critiqué d'autres points chez Al-Hajouri. Ils l'ont critiqué d'une manière sommaire, globale, jarh mujmal, ou bien par une critique qui est détaillée, qui montre les causes de la critique, asbab al-jarh, tabiyin wa tafsir asbab al-jarh. Et parmi les gens de science qui l'ont critiqué, comme cela va venir aussi, il y a l'érudit savant Cheikh Rabi' al-Madkhali, ainsi que Cheikh Ubaid, ainsi que Cheikh Mohamed bin Hadi, Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Mohamed al-Wisabi, Cheikh Mustafa Mabram, Cheikh Ali al-Huzaifi, et beaucoup d'autres gens de science qui ont critiqué Yahya al-Hajouri. Je cite aussi Cheikh Khalid Abdelrahman, l'Égyptien. Donc on revient au 14e fondement. Le 14e fondement, c'est qu'il exclut des gens de la sunna à cause des péchés, comme la mixité. Al-Hajouri fut interrogé, comme c'est dans Al-Kanzu al-Thamin, les pages 43 et 44 du 5e volume. Voici la question: on rapporte sur vous que vous dites, celui qui enseigne dans les écoles mixtes, même si les garçons et les filles sont petits, qu'il n'est pas sunni. Qu'il n'est pas sunni. Cela est-il authentique? Yahya al-Hajouri a répondu: la mixité entre les hommes et des femmes étrangères est une ruse occidentale. Elle est contraire à la voie salafie et est parmi les causes de corruption. Fin de sa fatwa. Ou bien voici donc la partie visée dans sa fatwa. De toute façon, il n'a pas répondu à la base de la question. Il a esquivé la base de la question ici. Mais il confirma ses idées, ou bien cette idée, donc de faire sortir les gens de la sunna, de la salafia, à cause des péchés comme la mixité et autres. Voici cela, la preuve sur cela. Il confirma cette position dans As'ilat Wilayat al-Arwat fil Jazair, en disant dans un audio: les élections ne font pas partie de la salafia, ainsi que la mixité, les associations, le fait de regarder la télévision. Ce sont là des péchés qui ne rentrent pas dans la salafia. L'on dit, c'est un musulman désobéissant, muslimun asin, qui a cet état. Quant à dire qu'il est salafi, un salafi qui voit les élections, un salafi qui a une association, or, les associations sont un sectarisme, c'est une chose connue. Elles contiennent comme contravention ce qu'Allah sait parfaitement. La mixité, ceci est une salafia maigre, si l'on admet que c'est une salafia. Si l'on admet que c'est une salafia sur cet état, ce serait une salafia très maigre, un salafi détérioré, salafi mutadahwir, qui a des péchés selon votre expression. Quant à nous, nous considérons celui qui a cet état comme non-salafi. Voici la parole à Shahid fi hadihi al-fatwa. Quant à nous, il a dit, quant à nous, nous considérons que celui qui a cet état comme non-salafi. Nous considérons celui qui a cet état comme étant non-salafi. Nous le considérons comme étant non-salafi, car cela ne fait pas partie de la salafia, et nous le considérons parmi les gens désobéissants. Fin de la citation. Donc, il fait sortir les gens de la sunna à cause de ce genre de choses. Et non pas comme font les gens de la Sunna, qu'ils font sortir les gens de la Sunna à cause de quoi? À cause, c'est-à-dire d'une contravention à un asl, asl min usul al-sunna, ou usul, des fondements, parmi les fondements donc des gens de la Sunna, ou bien un ensemble de points que donc le savant considère comme étant équivalent à un asl. Par ailleurs, on rajoute certains points dans la critique faite par Cheikh Arafat Al-Muhammadi Hafidhahullah à Yahya Al-Hajouri. Voici le premier point. Al-Hajouri a menti plusieurs fois, comme cela a été prouvé par Cheikh Ubaid et par Cheikh Al-Wisabi, entre autres. Or, les élèves prennent que l'on ne prend pas la science d'un menteur. Le deuxième point, Al-Hajouri considère l'adhan de Al-Jumu'ah, l'adhan qui a été une sunna de Uthman, radiallahu anhu. Al-Hajouri considère l'adhan de Al-Jumu'ah, qui est une sunna du calife bien guidé Uthman, radiallahu anhu. Il le considère comme étant inventé, muhdath, et comme étant une innovation, bid'a. Et il va jusqu'à mentir sur les gens de science en prétendant qu'il y aurait un ijma' pour considérer que c'est muhdath. Il dit dans son livre Ahkam al-Jumu'ah, la page 250, voici la parole de Al-Hajouri: Wa in qala kama qala jami'u ulama' al-islam innahu laysa min fi'li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa innahu muhdathun kama ajma' ala dhalika ulama' al-islam qulna lahu ala tara fi al-hadith أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك من محدثات الأمور ويقول إنها ضلالة. Fin de la citation de Al-Hajouri. Voici la traduction. Il dit, s'il dit, comme avaient dit tous les savants de l'islam, il ne fait pas partie des actes du messager صلى الله عليه وسلم, qu'il est inventé, comme les savants de l'islam sont unanimes sur cela, nous lui dirons, ou bien nous lui disons, ne vois-tu pas dans le hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'avertit contre les affaires inventées, et il dit, c'est un égarement. Fin de la parole traduite, donc la parole de Al-Hajouri. Cheikh Arafat dit, tous les savants sont plutôt d'accord que l'adhan de Uthman, radiallahu anhu, est une sunna. C'est-à-dire les gens de la sunna sont d'accord que l'adhan de Uthman est une sunna du calife bien guidé, rahima, radiallahu anhu. Le troisième point, dans ces points épars, donc ici dans la critique de Cheikh Arafat à Yahya Al-Hajouri, nous rappelons que Al-Hajouri considérait le Cheikh Abdurrahman bin Mar'i, rahimahullah, Abdurrahman Al-Adani. Il le considérait, je cite, parmi les kibar al-mashayikh. Il a dit, je cite, kibar al-mashayikh al-da'wati al-salafiyyati fi al-Yaman wa ulama'uha al-lazina taduru alayhim al-fatwa fi al-balad nadhkuruhum murattabin ala huruf al-mu'jam. Il cita Cheikh Al-Adani, il le cita en deuxième place, il le cita. Il a dit le nombre 2, le numéro 2, al-Sheikh al-Fadil Abu Abdillah Abdurrahman ibn Mar'i, Abu Abdillah Abdurrahman ibn Umar ibn Mar'i ibn Bureyk al-Adani ذو عقل راجح آتاه الله من العلم خيرا كثيرا مع تواضع وأدب جم وثبات على السنة. Traduction de cette parole qui figure dans At-Tabaqat de Al-Hajouri, Tabaqat, page 33. Il a dit, les grands mashayikh de la da'wa salafi au Yémen, ces savants dont dépend la fatwa dans le pays, nous les citons ordonnés selon les lettres de l'alphabet. Et il cita en second lieu, il cita, il dit, le noble cheikh Abu Abdurrahman ibn Umar ibn Mar'i ibn Brik al-Adani, il a une raison mature, aqlin rajih, il a une raison mature. Allah lui accorda de la science un grand bien, avec une modestie et un très bon comportement, ainsi que la fermeté sur la sunna. Fin de la citation. Ensuite, Al-Hajouri eut de l'excès envers un étudiant de Cheikh Al-Adani. Al-Hajouri, Yahya Al-Hajouri, il eut de Al-Ghulu et de l'excès vis-à-vis d'un talib de Cheikh Abdurrahman Al-Adani, rahimahullah. Et ce talib est Muhammad ibn Hizam. Et Muhammad ibn Hizam. Donc Al-Hajouri, il eut de l'excès envers ce talib, tout en accusant Cheikh Al-Adani d'être un hizbi et en créant une fitna sur cet avis erroné. Et au terme de cette première partie de Al-Bayan al-Fawri de Cheikh Arafat al-Muhammadi, nous rappelons quelques grandes lignes des transgressions de Al-Hajouri. Premièrement, l'accusation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se trompe dans les moyens de prédication qui font partie de la révélation. Voici le premier point de la critique. Deuxièmement, l'accusation des compagnons qu'il y avait parmi eux qui eut l'innovation de l'Irja et qu'il y eut parmi eux qui auraient participé à l'attentat contre Uthman, radiallahu anhu. Et il qualifie, c'est-à-dire Al-Hajouri, il qualifie l'adhan du calife bien guidé, Uthman, radiallahu anhu, comme étant une bid'a, une innovation. Troisièmement, le fait qu'il considère des avis des salafs comme étant batila, nul, et comme étant kalam farigh, une parole creuse. Il s'exprime ainsi à propos de la subdivision que les salafs font entre l'innovateur qui appelle à son innovation et celui qui n'y appelle pas. Quatrièmement, il défendit des avis des gens des innovations tels que Al-Ash'a'ira. Il défendit cette parole des Al-Ash'a'ira, la parole qu'il est possible qu'Allah punisse un homme, non pas pour un péché, c'est-à-dire zanb, ni pour un crime, jorm, jarima. Donc Al-Hajouri a défendu cet avis de Al-Ash'a'ira. Et Al-Hajouri aussi, il a défendu un avis de Al-Qadariya et Al-Mu'tazila. Un avis de Al-Qadariya et Al-Mu'tazila qui stipule que celui qui veut la vérité et qui déploie l'effort, il l'atteint nécessairement. Hein, il atteint nécessairement cette vérité. Ceci est un avis de Al-Mu'tazila et de Al-Qadariya. Cinquièmement, parmi les points critiqués à Al-Hajouri, il prétend que les gens de la Sunna sont les plus proches de la vérité, hein, et non pas qu'ils sont les gens de la vérité, les gens qui sont sur la vérité. Sixièmement, il tolère et agrée l'excès envers sa personne. Et de l'autre côté, il déchaîne ses étudiants contre des savants et des mashayikhs de la Sunna, et il exagère dans les jugements contre ses opposants. Septièmement, il rend innovateur à cause des péchés comme la mixité. Il rend innovateur à cause des péchés comme la mixité, comme nous avons vu dans le 14e fondement critiqué à Al-Hajouri. Huitièmement, il a été démontré qu'il a menti plusieurs fois, par exemple lorsqu'il interdit d'étudier dans Al-Jami' al-Islami, à l'université islamique, puis il avait démenti, pensant que sa parole n'avait pas été enregistrée. Or, elle a été enregistrée, et donc il disait que Al-Jami' al-Islamiyya, il disait d'elle Hizbiyya Bahta, c'est-à-dire elle est sectaire pure et dure. Hizbiyya Bahta, c'est l'un des propos par lesquels il s'est singularisé. Wallahu musta'an. Donc, la plupart de ces points que nous avons mentionnés ici sont détaillés dans les autres audios, et donc c'est pas la peine de les réexpliquer donc davantage. Mais nous allons étayer d'autres points, inshallah, dans la deuxième partie de Al-Bayan al-Fawri de Cheikh Arafat, auquel nous parvenons maintenant. Donc je vais marquer une pause. avant de continuer dans Al-Bayan al-Fawri, la deuxième partie, la clarification immédiate des fondements que Al-Hajouri avait transgressés. Walhamdulillah Rabbil Alameen.